Allô, c'est Alastair Sin du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur Arcusé 95 FM. Bien le bonsoir, chers auditeurs, auditrices, c'est-à-dire que c'est bonsoir, Sylval. Eh bien, bonsoir, monsieur Scream. Bonsoir aux auditeurs, auditrices. Voilà, en forme. Oui, tout à fait, et toi? Bah, par ce lundi de Pentecôte, un peu chaud, lourd même. Ah oui, c'est vrai qu'on anime toujours sous une grosse chaleur. Ah oui, bah, c'est bien, on va pas se plaindre, hein. C'est quand ouais, il fait trop froid, fait, c'est génial. Voilà, c'est génial, en plus les gens ont pu en profiter encore un bon week-end. Hein. Tout à fait, pour les gens qui ont eu festival ou concert dehors, ben voilà, c'est réussi. Ou même garder les petits-enfants, aller se promener au parc, tout oui. était bien. Tout était bien. Bon, le slasher, on lui fait un petit coucou, il nous écoute de là où il est. Hein. Il d'accord, se repose. Ben, coucou slasher, gros bisous. Voilà. Et normalement, on sera rejoint tout à l'heure par Kathleen qui viendra un peu nous raconter un peu son vécu aussi de notre petit concert qu'on a tous été voir. Ah ouais, le cougar, il va être content. Le cougar, oui, c'est moi le cougar. Hein. Bon, des fois, je fais animal, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et ben, c'était le concert de Deep Purple, on en parlera tout à l'heure. Mm-hmm. Et on rappelle déjà que la semaine prochaine, c'est un spécial Hellfest, car dans quelques dodos, on nous serons partis. Eh oui, donc, ça va aller vite maintenant. Ça va aller très très vite, on espère avoir du temps comme on a eu aujourd'hui. Voilà, donc on va se retrouver tout à l'heure avec plein de choses. Tes quatre coups de phare, coups de cœur, ta Sylval Song. Oui, exactement. La balade crapuleuse, la slasher song, bien entendu plein de nouveautés. Et oui. Voilà. Non, ça c'est normal. On se met tous en direct. Oui, on se met tous en direct. Donc voilà. On est connecté, comme on dit. Si on n'est pas connecté, on n'est pas bien. Allez, on va commencer directement avec Alchimia. L'album s'appelle Musa. Et on va s'écouter Lost. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, comme à son habitude, ben on commence tout doucement, hein, j'aime bien. Et oui, c'est tranquille, ça nous repose un peu les oreilles, ainsi de suite. Voilà, avant de commencer en rentrant dans le vif du sujet, enfin, de toute façon, on est déjà rentré dans le vif du sujet, on en profite pour faire un petit coucou à Petit Ben, Richie Dracar. D'ailleurs, je tiens déjà à lui dire, hein, il sera le bienvenu bientôt, hein, car et oui, il y a un nouvel album qui sort, ouais. Et pareil qu'il est extraordinaire. Donc, après quelques mois de grossesse, on va dire ça comme ça, ils vont enfin accoucher, nos amis de Dracar. On n'assistera pas à l'accouchement, mais on sera là pour parler un petit peu de leur nouveau bébé. Enfin, ils viendront. Mais ça, ce sera sûrement après les vacances, comme ils nous avaient dit. Donc, voilà. On se retrouve avec un titre, et pas après, on commencera dans le vif du sujet avec un de tout tes titres. Tout à fait, oui, j'ai tout préparé, il n'y a pas de problème. Voilà, on va s'écouter avec Fire at Dawn, Dead in the Winter, Dead in the Water. Winter, c'est pas maintenant, on espère la Winter bien loin, dans quelques temps, hein, dans quelques mois. Et on va s'écouter extrait de l'album Chigging Tide, donc Fire at Dawn, et après on retrouvera un de tes titres que tu as choisi. Eh oui. Fear at Dawn, Dead in the Waters, Changing in Tide, c'est le titre de l'album. Voilà, donc maintenant il est un petit peu temps de se réveiller. On en profite, on fait un petit coucou à tout le monde qui nous demande comment on va et tout. Ça fait super plaisir de vous lire plutôt, pas de vous entendre, de vous lire les amis. Alors voilà, nous t'écoutons pour ton premier titre. Hein. Alors moi c'est le nouvel album de Primal Fear avec le titre Angel in Black. Ouais, Primal Fear qui est un groupe allemand aussi, je crois que tu les avais vus en concert. Oui, je les ai vus à Vosselaar. Ouais, et t'avais mieux aimé ça même qu'on en a parlé justement il y a 2 semaines, si tu t'en souviens bien. Oui. T'avais mieux aimé ça que nos amis Halloween. Oui. C'est les goûts et les couleurs. Ouais, hein, c'est du oui, power. Oui, j'ai préféré Primal Fear, c'est du power, hein, voilà. Donc c'est un album live. Alors, je te laisse annoncer ton titre. Donc, Angel in Black. L'ange noir. Eh oui. C'est parti. Et oui, donc c'était Primal Fear, le nouvel album avec le titre Angel in Black. Bah, une belle claque, voilà, ça donne envie d'aller voir des concerts, hein, ça, quand j'entends comme ça. Ah oui, oui, c'est excellent, ça bouge bien, c'est... C'est un style métal qui bouge très bien. Hein. Ouais, ça donne envie d'être en concert. Bon, ça va, là, on se repose un petit peu, car du concert et plein les oreilles, vont en avoir d'ici une bonne quinzaine de jours. On va en avoir pour notre argent. On sera déjà rentré. Hein, je ne sais pas d'ailleurs s'il y aura émission ce jour-là, parce qu'on revient du lundi soir, de la nuit de dimanche à lundi. Mm-hmm. On verra bien de quel comment on sera physiquement pour être là ou pas dans l'émission du lundi 19. Voilà, du lundi 19. Oui. Voilà, on verra bien quoi. Alors, on poursuit cette programmation musicale, mais juste avant ça, il y a Kevin qui nous fait un petit coucou de Suisse. Eh bien, bonjour, Kevin de Suisse. Voilà, n'oublie pas, on aime bien le chocolat. Voilà, nous, oui, tu peux penser à nous. Hein. Voilà, et si tu veux, on te donnera notre adresse discretos. Je dis ça pour rire. Faut pas trop manger de chocolat, mais quoique, ça fait du bien. Allez, on poursuit cette programmation musicale avant de retrouver la slasher song. On va s'écouter un titre avec une voix que j'affectionne particulièrement. Malheureusement, il a annulé le Grass Pop, il a annulé le Hellfest. Je crois savoir qui. C'est Monsieur Jorn. Eh oui. Et l'album Life and Death Road vient de sortir. La pochette, elle est vraiment superbe. L'album m'a tombé raide, mort. Malheureusement, il n'est pas là. Et beaucoup de gens qui sont déçus aussi. Hein. Ah ouais, c'est une voix. C'est une voix. Je peux pas dire que on a eu l'occasion avec le slasher de le croiser à ce qui fut le dernier festival du PPM, mais je veux dire, maintenant c'est très dur de le voir, et c'est vraiment une putain de voix ce mec. On espère qu'il va quand même faire une tournée en solo, pas en festival. On verra bien, mais là on va s'écouter Fire to the Sun, donc le nouveau extrait de l'album de Jorn Lenn qui s'appelle Life and Dead Road. Jorn, c'est tout de suite, c'est maintenant, et après ce sera la slasher song. So you better run. Shoot me like a Mais quelle voix quand même! Ah ouais, super! Fire into the Sun, c'était bien entendu Jorn Lind. Waouh! Voilà, donc l'album, je vous l'ai dit, il est vraiment dans le même acabit. J'en profite et on en profite, je sais que tu vas me soutenir. On soutient un petit peu les étudiants aussi qui sont en période de bloc, car ils nous écoutent peut-être avec leur transistor. Il y en a qui arrivent à bosser avec la musique. Hein, Bien sûr, moi c'était mon cas quand j'ai passé mon bac et mon BTS et ainsi de suite. C'est sûr que j'écoutais de la musique. Donc voilà, donc on les soutient. Et surtout, je dis ça parce que c'est pour bientôt. J'ai vu la pub, ils en ont parlé à la télévision que c'est bientôt la période du bac. Donc, si vous nous écoutez, bonne merde. Voilà, alors il est l'heure de passer à la slasher song. Même s'il n'est pas là, il nous a dit, un merveilleux choix, je suppose. Ah, là, je crois que ça va en faire beaucoup des étonnés. Et puis surtout des gens qui disent, ah ouais, putain, c'est un bon groupe. Il a choisi ça parce que le nouvel album vient de sortir aussi. Il n'a pas pris une chanson du nouvel album, il a pris une chanson de l'album Man of Honor. Le titre, c'est Come on, Get Up. Et il s'agit du groupe Adrenaline Mob. Voilà, il adore cette chanson. Et c'est vrai qu'une fois, quand on a découvert, ça, je me rappelle, cet album, on avait eu en téléchargement, illégal, bien entendu. Et on l'écoutait dans le bureau roulant. Et cette chanson, on se l'est mise en boucle. Et c'est vrai qu'on s'amusait à chanter le refrain qui est vraiment prenant. Mais voilà, il a choisi ça, donc Adrenaline Mob du Slasher. C'est parti! Hello, c'est le Slasher sur RQC 95 FM sur Rive d'Enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. I heard you took one in the face. You out. Voilà, ce fut le choix du slasher. Hein. Magnifique, excellent choix. À tomber par terre, j'ai failli tomber évanoui comme d'habitude. Voilà, avec Adrenaline Mobs, Come On Get Up. Le dernier album est assez critiqué, il y en a qui n'aiment pas, d'autres qui disent que c'est du réchauffé. Mais franchement, c'est un très très bon album. Moi, je vous invite à découvrir. Je pense qu'il se laisse écouter comme toujours. Voilà, tout à fait. Alors, juste avant de retrouver un titre, on va s'écouter un titre à toi que tu as choisi. On va s'écouter un titre nouveauté. Est-ce que tu te souviens un petit peu de Superman ? Pardon ? De Superman, oui, je sais, ça a l'air... Tu sais, tu me prends toujours à court, ouais. Donc oui. Est-ce oui, que tu te souviens de, ce qui, de quoi il souffre quand il s'approche près d'une pierre qui s'appelle la Kryptonite ? Oui. C'est la petite pierre verte, là. Ah oui. Eh bien, il y a un groupe qui a choisi de s'appeler Kryptonite, tout et simplement. Bah voilà. Et la pochette, elle est vraiment pas mal. Elle est sur la page Rive d'Enfer. C'est pour ça que je fais un peu la parenthèse. On vous invite aussi à aller voir un peu le travail aussi des gens qui travaillent dans l'ombre des groupes. Hein. Les groupes, on les voit sur scène, mm-hmm. On les voit... Ouais, il y a des super belles pochettes. Voilà, tout à fait. Et donc, ça aussi, c'est tout un travail. Oui. Choisir ce qu'on aime bien, quel motif, quel dessin, c'est pas toujours évident. Voilà. Et surtout les gens qui le réalisent, on n'en parle pas beaucoup. C'est très difficile, oui. Et eux, derrière, et c'est eux qui créent le... Parce que généralement, c'est vrai ce qu'on dit, des fois, il y a des gens qui achètent un album par la beauté de la pochette. Oui, c'est vrai. Et des fois, après, ils disent, c'est vraiment de la merde qu'il y a à l'intérieur, mais la pochette, elle était belle. Oui, voilà, c'est vrai. je me rappelle, je suppose que, Maiden, il a vraiment leur dessinateur avec Eddie qui fait référence, mais il y a d'autres pochettes qui sont super bien faites. Et j'en profite aussi pour faire un petit coucou à tous les gens qui font des études de dessin, des choses comme ça. Ben voilà, il y a encore un peu des projets là-dedans. Hein, voilà. On va s'écouter donc Kryptonite avec Chasing Fire et après on retrouvera un titre que tu as choisi. D'accord. The soul jacks alive. J'étais en train d'imaginer un nouveau Superman avec ça comme musique de générique, Chasing Fire. Ouais, ça donnerait bien. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. C'est kryptonique, hein, voilà, kryptonique. C'est pas mal du tout non plus. Ouais, c'est bien. Hein, c'est, ouais. Bah, pareil, c'est un single. On attend l'album avec impatience. On verra bien ce que ça va donner. Alors, ton prochain titre, c'est... Alors, moi, c'est Radiation Romeos avec le titre Ocean Drive. Ocean Drive, c'est une allée à Los Angeles, si mes souvenirs sont bons. Ah, écoute, je ne connais pas toutes les allées de Los Angeles. C'est la fameuse Ocean Drive qui loge l'océan, où on aimerait tous se promener. Ah, écoute, j'aimerais bien marcher là, sur la plage quand maintenant de Malibu Avec les pélicans qui se promènent tout près de nous. Voilà, les on mouettes. Boire un petit verre, un petit café, un cheese, et hop. Et les mouettes qui font caca à côté. Oh, c'est pas grave, ça. C'est la poésie, tu vois. Ouais, t'es vachement poétique, toi. Hein. Non, mais c'est vrai que... En plus, il fait bon partout. Hein. Même, on se promènerait même sur les plages de la Côte d'Azur, même les plages du Nord, les là, il fait bon. Les plages du Nord, elles sont super belles. Les plages La Panne, Ostende, Coxide. Et là, en plus, il fait bon. Là, il fait bon. C'est la mer qui est un peu froide, mais il fait bon, avec une bonne glace. Ah, oui. Ouais, bon, allez. Allez. Sinon, l'estomac, il va crier. Allez, je te laisse annoncer le titre. Donc, c'est Radiation Romeos avec Ocean Drive. Et ben voilà, hein. Ouais, c'est super bien, ça bouge bien, ça. Donc c'était Radiation, Romeus avec Ocean Drive. Voilà, donc bah c'est bien, c'est un peu de la OR, ça fait un peu, moi ça me fait évader en vacances, quoi, voilà. Oui, voilà, c'est évasion, puis bon, moi j'aime bien, ouais. C'est très bien. Voilà, le prochain titre avant de retrouver ta Sylvain 5, on va s'écouter Mozilla. L'album s'appelle Mozilla, le slasher la pécho, c'est un groupe qui vient des États-Unis. Forgotten, on va s'écouter ce titre. Et après, on te retrouvera pour la Sylvain 5 de cette semaine. Et oui. Voilà, on va la jouer un peu plus tôt parce que bon, voilà, on a envie de la jouer un peu plus tôt. Il fait bon. Et après la Sylvain 5, on parlera un petit peu de notre aventure de. Tant que je dise pas de bêtises, c'est jeudi dernier. Oui, c'était jeudi dernier. Voilà. Mozilla Forgotten, c'est tout de suite, c'est maintenant, et merci aux auditeurs qui nous écoutent. Et n'oubliez pas, si vous nous demandez des titres, si vous n'arrivez pas à repérer tous les titres qu'on passe le soir même ou alors le lendemain matin, au maximum le lendemain matin, hein, mm-hmm. C'est sur la page Rive d'Enfer. Oui, il y a la playlist d'affichés, voilà. Avec tous les titres. Voilà, comme ça peut vous aider. Et si même vous dites, oui, vous dites, mais c'est facile, c'est tous les titres, mais on ne sait pas, c'est lequel qui est passé. Il y aura aussi le podcast, donc vous ne pouvez pas vous tromper, quoi. Voilà. Et voilà. Allez, c'est parti. Yeah. Ben voilà, donc c'est encore un titre que le slasher a été chercher, négocier pour avoir l'album. Mozilla avec Forgotten, franchement une petite surprise aussi. Bonne claque aussi. Ouais, du bon rock'n'roll américain, ça par contre. Voilà. Alors, il est l'heure de retrouver ta Syl Valsogne et tu as choisi quoi ? Alors moi j'ai choisi Aerosmith avec le titre Sweet Emotion. J'adore ce titre, enfin j'aime beaucoup. Hein. Mm-hmm. J'avoue, il y a plein de titres qui sont géniaux. Bon, mon cœur chavire pour celui-là aujourd'hui, on va dire. Ouais. En plus Aerosmith qui seront présents. Tout à fait, au Hellfest, ouais. Donc avec contrat, ça c'est sûr, pas pouvoir shooter les photos en photo. Ouais, bon. Voilà, bon... Voilà quoi. Ouais. Mais pour tous les gens qui ont croisé Steven Tyler, est quelqu'un de très accessible, même qu'on ne pourrait pas le penser. Mm-hmm. Là, je l'ai vu encore dernièrement dans un reportage en Espagne, il se promenait, il avait un accordéoniste, il a demandé de jouer un morceau, il a joué avec lui. Mais bon, mais dans les gros festivals, non, faut pas rêver. C'est ça, hein. Puis bon, voilà quoi. Voilà, allez, je te laisse annoncer ton titre. Alors, Aerosmith avec Sweet Emotion. All aboard! Yes, yes. Whoa! She's beautiful! And she looks wild! Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Syl Valsong. Voilà. Eh oui. Sweet Emotion, c'est ça ? Tout à fait, mon ami. Donc c'était Aerosmith, donc Sweet Emotion. Pas mal, hein, pas mal. Oui. Ça me rappelle, moi, ça me rappelle plutôt le film avec Bruce Willis, tu vois, dans Armageddon. Ouais. Si, c'est vrai. Ben, pff, ouais. Elle est dedans aussi, quoi. Donc. Elle a été énormément reprise, hein, cette chanson. Ouais. Et ainsi de suite. Un classique. Voilà. Hein. C'est sûr et certain, tu l'entendras le. Je sais pas s'il joue le samedi. Je crois que c'est le samedi qu'il joue. Ouais, bah on l'a déjà entendu, quoi. Ouais. Cette semaine, enfin la semaine dernière. Ouais. Et on verra bien. Donc c'était. Voilà. Mais c'était mon choix. Écoute, mon petit coup de cœur. Aerosmithien. Voilà. Alors on poursuit cette programmation musicale avec Slangunster avec Profane Puppets. On se retrouve tout de suite après, les amis. Operate by strength. Voilà, là ça s'appelle un petit peu du prog en même temps avec un chant un peu grôle, ça c'est pas mal hein. Ouais, c'est spécial. Ouais, ça change aussi quoi. C'est spécial hein. Un peu dans tous les goûts et les couleurs. Voilà. Alors juste avant de retrouver la balade crapuleuse, on va s'écouter Raffumetswell avec le titre Killing the Colossus et après ça sera la balade crapuleuse. Chouette. We'll be right back. Voilà, voilà, donc c'était Ralph Metz Wells avec Killing the Colossus. Voilà, on tient à s'excuser aussi pour le direct vidéo, bah, ça arrive. Oui, ça arrive, il y a des coupures. Hein. Voilà. Quand on fait un direct vidéo, voilà les aléas. Voilà, mais bon, vous êtes de nouveau connectés. Coucou les amis, la preuve, ça marche bien. Allez, il est 21h dépassé de 5 minutes, il est temps de passer à la balade crapuleuse. Oui. Aujourd'hui, j'ai choisi... Ouais. La balade. Aujourd'hui, j'ai choisi Bob Catley, qui est un membre de Magnum, si vous ne connaissez pas ce groupe. C'est un bon groupe, ça, Magnum. Ouais. Et c'est bon aussi, mais bon, c'est autre chose. Ah, ça, c'est les glaces. Ouais, ça, c'est les glaces. On ne fait pas de pub, là, on parle de Magnum, tout simplement. Ou alors, c'est un bon film aussi, Magnum, avec Clint Eastwood. Ah ouais, Magnum, la série. Ouais, la série Magnum avec Clint Eastwood. Et là, j'ai choisi un titre, Last Snow of Winter. J'adore son timbre de voix de Bob Catley, qui était l'année dernière à l'Alcatraz. Il faisait partie de la troupe de Ed Guy, de Avantasia. Malheureusement, j'ai pas vu. Il était pas non plus. Voilà, Bob Catley, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est le balade crapuleuse. Et on retrouvera après un titre encore de Sylval qu'elle a choisi. Voilà, la balade crapuleuse. My pictures of you, memories from my past, hoping that the pain will end at last. It only seems a moment ago I heard your laugh so clear. I turn around to find there's no one here. Last snows a world of war. Now hide your footsteps from my door, and I just break down crying. Oh, suddenly you're taken from me, and I'm lost without you now. I'm trying to find a way to make it through the days somehow. From an empty room, we fill with hopes and schemes, only men are not open in the stream. I hear you in the summer breeze, you're the warmth of the sun, don't you wish you're ever over and on. Still pray for the reasons why you had to die. The anger wells inside, and I just can't stop crying. Suddenly, you're taken from me, and I'm lost without you now. I'm trying to find a way to make it through the days somehow. Yeah. Voilà, c'était la balade crapuleuse hein, avec Last Snow of Winter, Bob Catley. J'en profite pour faire un petit coucou aux Icarus Rising, si tu te souviens, on les a eu en oui, studio. Oui, tout à fait, bah oui. Ils viennent de nous dire, bah, on vient de sortir un nouveau titre qui s'appelle simplement « À l'aube du dernier jour ». Bah voilà, j'en profite pour vous le dire. Et on attend donc que l'EP ou l'album soit terminé pour de nouveau les recevoir en studio pour venir en parler ici autour de la demi-table ronde, chevalier de la table demi-ronde. Boutons voir si... Et bon, non, si l'eau est bonne. Voilà, donc on poursuit avec un de tes titres. Et oui, donc j'ai choisi le groupe Vulgar Devils avec le titre Come and Get It. Voilà, c'est parti. Vulgar Devils, ça doit être un titre bien prometteur à mon avis. Très. Voilà, donc c'était... Alors, c'était Vulgar Devils avec le titre Come and Get It. Voilà, donc il est exactement 21h15, alors là, j'entre au studio. Et voilà, donc jeudi, nous étions de sortie, hein, l'équipe de Rive d'Enfer. Et, oui. Et nous étions partis où exactement Eh bien, nous étions au Zénith de Lille. Oui, pour le concert de Deep Purple et de Monster Trucks. Et oui. Voilà, donc, bon, le slasher, je sais bien son ressenti, hein. Lui qui avait jamais vu les Deep Purple, ou quoi, il a vraiment bien aimé. Mm-hmm. Toi, quel a été ton ressenti Bah moi, écoute, ça fera 3 fois que je les vois. Mm-hmm. Donc, je suis pas en retard de les voir. Ouais. Je les ai vus au tout début, mm-hmm. Je les vois à la fin. Bah écoute, moi, je les trouve toujours au top. Oui. Bah moi j'ai été, comment je veux dire, j'ai mieux aimé la prestation qu'ils nous ont offert cette fois-ci au Zénith, mm-hmm. qu'en festival. Mais bon, ça c'est toujours pareil. Festival, c'est festival. Ils ont pas le son pour eux. Ils ont pas que la scène que pour eux. Il y a plein de choses qui divergent. Mon seul bémol que je peux moins dire, enfin d'abord Monster Truck. Ah, Monster Truck, c'était génial. C'est ça aussi, j'ai bien aimé. Une véritable patate. Hein. Ah wow. Ouais. Ça a déchiré. Nous, en tant que photographes, on était un peu déçus de rapprendre des choses. On ne pouvait pas traverser la scène, c'est-à-dire traverser en barrière, hein, pour prendre des photos. Si on devait choisir notre côté, côté gauche, côté droit. Et si on devait aller de l'autre côté, ben, on devait traverser tout le Zénith. Ouais. C'est pour ça que tu nous voyais sortir pour aller de l'autre côté. Quoi. Et pareil pour Deep Purple. Moi, mon seul bémol, c'est que le rappel pour Deep Purple a été un peu longué, avec Hush et tout ça. Je trouvais que c'était un peu long, mais sinon, ben, question de décorum scène, tout y était, quoi. Tout y était. Moi, j'ai rien à critiquer, je vais être honnête, non. Mm. Que ça soit le rappel ou autre, au contraire... C'est sympa qu'il y ait un peu d'attente, je trouve, ça met le suspense, on se dit, tiens, ils vont venir, ils vont pas revenir, tu vois quoi ? Ah non, ce que je voulais dire, c'était les morceaux qui étaient un peu trop longs, je veux dire, tu vois, dans ah, les d'accord. rappels. Oui, ils ont fait 3 morceaux, mais je les trouvais un peu longs, tu vois, les petits combats de clavier, de guitare, je les trouvais un peu trop longuets, mais... Voilà, c'est du Deep Purple, c'est excellent. Ouais, non, moi j'ai bien aimé. C'est excellent. Moi, ce que j'attendais, c'est... On avait vu la setlist, on avait été fouiné avant, donc on a eu l'occasion de voir la setlist. Moi, j'attendais un Perfect Stranger, que j'ai eu. Ouais. J'ai pas été déçu. Ça, on savait très bien qu'il n'allait pas faire un Child in Time, car Monsieur Guinan ne s'est plus monté dans les aigus. Bah, c'est l'âge aussi, hein. Plus de 70 ballets, mais bon, ils sont toujours présents. Hein un Zénith était complet pratiquement. Hein. Ah, tout à fait. Au départ, 6 000 personnes. Hein. Ouais, au départ, on se demandait ce qui allait se passer parce qu'on voyait pratiquement personne. Mais c'était complet. Et ah voilà. Ouais, 6 000 personnes. Hein. Ouais, ouais. C'était vraiment bien. Moi, je vous conseille, s'ils passent par chez vous, allez les voir. Faut pas hésiter. J'ai des amis qui sont allés les voir le lendemain sur. Sur Paris, sur Paris, c'est ça, oui. Donc voilà, il faut aller les voir parce qu'à mon avis, ils feront plus tellement, à mon avis, de grosses tournées, quoi. C'est sûr. Ah non, je pense que c'est la tournée d'adieu, même. Voilà. Mais bon, ils disent tous ça comme Aerosmith, mais maintenant ils font pas. Ils séparent plus maintenant, c'est fini. Nous ne séparons plus. Nous ne séparons plus, c'est fini, non. Voilà. Alors donc voilà, on a bien aimé. C'est pas court, c'est efficace, avec des titres efficaces. Ils ont joué pas mal de titres de nouvel album, et c'était vraiment, vraiment bien. Le public était super sympa, un public de tout âge. Ouais. Ah ouais, vraiment de tout âge. Il y avait des jeunes, moins jeunes, ouais. Vraiment. Mmh. Ouais, de tout âge, et je tiens à confirmer que faut pas avoir peur d'aller voir des concerts, c'était super bien sécurisé. Mmh. Voilà. Alors, on s'écoute ton prochain titre, éventuellement ? Alors, c'est Black Cage avec I'm on Fire. C'est parti. We'll be right back. Alors, c'était Black Cage avec Eye on Fire. Voilà, c'est... voix féminine, super bien. Hein. Qu'est-ce que ouais, t'en penses? Ah, bah, je préfère ces voix-là, comme tu sais. Assez bien. Rock'n'roll. Hein. Ah, oui, c'est génial d'ailleurs. C'est génial. C'est, comme j'ai toujours dit, c'est mieux que des envolées. Voilà, enfin bon, on aime ou on n'aime pas. Mais bon, c'était vraiment bien. Donc, c'était Black Cage, c'est ça? Tout à fait. Black Cage. Voilà. Alors, Starseek System, I am the Hurricane. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est ici, c'est sur Rive d'Enfer. Ben, c'est pas mal du tout à ça quand même. Hein. Ah oui, c'est bien. C'est Starseek System avec I Am The Hurricane. Vous êtes bien branchés donc, sur RQC 95 FM avec vous. Jusque 22h, Sylvel et Scream. Voilà, le slasher, lui, n'étant pas là, il sera là la semaine prochaine. Car la semaine prochaine, comme on l'a dit, hein, c'est le dernier lundi avant le Hellfest. Car jeudi, nous serons sur place. Et déjà jeudi, on commencera très fort. Car toi, tu as déjà... des interviews calées? Oui, bah écoute, normalement, je dis toujours normalement parce que... oui, normalement tu auras les Iron Bastards, c'est ça? Oui. Et nous, on aura... Ah oui, Iron Bastard, oui, c'est sûr. Ouais, je parlais pour le jeudi, là. Donc, nous, on aura Mantra, Bliss, et Blade, et après, on commencera le vendredi. Normalement, toi, là, il y aura Inglorious, on attend les heures de confirmation. Il y aura... On attend. Il y aura plein de choses. On espère avoir du bon temps. Et nous serons de retour le lundi. Je ne sais pas s'il y aura émission le lundi. Faut voir comment moi je serai pas trop fatigué. Si je suis pas trop fatigué, je ferai émission. Je ferai peut-être seul ou peut-être que si tu n'es pas trop fatigué, tu pourras me rejoindre. Parce que bon, on a quand même 3 jours de festival dans les dents. Hein. Bah quand même, ça va être fatigant. Hein. Puis bon, c'est pas la porte à côté pour nous. On a 4 jours, pardon, pas 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc voilà, on aura plein de choses à vous raconter quand on sera de retour. Et après, on sera en préparation tout doucement pour le... Normalement, si tout va bien, on croise les doigts pour l'Alcatraz Festival. Mm-hmm. Et le Lockers... Non, d'abord le Lockers Festen, oui. Puis l'Alcatraz Festival. Voilà, je mélange un petit peu les pinceaux avec les dates parce que ça se chevauche assez près, l'Alcatraz. En parlant de ça, j'ai vu la pochette du nouvel album d'Alice Cooper. Oui. Qui s'appelle Paranormal. Oui, ça va être bien encore, je pense. Connaissant l'inergumène, à mon avis, ça ne peut être que prometteur. On va voir un petit peu ce qu'il va nous pondre musicalement. Voilà, quoi. Et on rappelle que notre ami Wasp ne sera pas au festival, aussi bien le Grass Pop et le Hellfest. Mm-hmm. Il est remplacé par notre ami Dee Snider. Et oui. Donc voilà, ceux qui n'ont pas qui râlaient, qui étaient déçus de ne pas avoir vu Twisted Sisters. Et ben voilà. Voilà. Mais vous ne verrez pas du Twisted, mais vous verrez du Dee Snider. Donc vous ne le verrez pas avec perruque ni rien. Mais bon, ouais, ça peut être sympa aussi. Ça je peut pense, être sympa. Hein. Ça peut être avec sympa. Son album solo en plus, c'est génial. Ouais. Par contre, est-ce qu'il va peut-être reprendre des chansons du standard de Twisted? Ah, peut-être. Peut-être, on ne sait pas. On sait vraiment pas. Mais voilà. Mais par contre, Wasp, on tient à vous rassurer. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est malade. Ils sont en train de préparer un album et n'ont pas envie de prendre du retard. En réalité, c'est une touche finale sur un album. Et voilà. Donc, il a préféré annuler sa tournée. Et par contre, il a dit qu'il serait de retour dans des tournées individuelles. Donc, on aura peut-être plus de chances de le voir, comme on l'a vu l'année dernière ou il y a 2 ans, à De Kruijn. Mm-hmm. Voilà. Allez, Icy Steel, Fire and Flame, c'est tout de suite, c'est maintenant sur RQC 95 FM. Not Ah, c'est du bon rock'n'roll, ça, quand même, hein. Ah oui, ça bouge bien, ça. Ouais. I See Still, Fire in Flame, l'album s'appelle Through the Ashes. Alors, le prochain, bah, c'est un album live qui vient encore de sortir chez Frontier Records, qui s'appelle Pacing Stage Live in Milan et Atlanta. C'est tout simplement le groupe DGM. Et on va s'écouter The Passage de DGM. The Passage! We'll be right back. J'aime quand ça joue comme ça quand même. Hein. Ouais. C'était DJM The Passage avec donc extrait de l'album Live in Milan. Le prochain qu'on va s'écouter, c'est on a eu l'album, il vient de sortir. L'album s'appelle The Nature of Time et il s'agit de l'album Secret Sphere. Tu avais déjà passé un ou deux titres de cet album au single. Et là, l'album vient d'arriver et on va s'écouter le titre Faith, donc de Secret Sphere. Faith, you can't just fail. Stare your fears down. There's always a way to come around. Your back's against the wall. You can turn down the lights, filling up your eyes with hope until you finally clear the mind. And it's your lower again. Yeah, the only the reason to believe. But this time putting my faith in you. Spirit's coming my way, coming my way, guiding me through this battle of wills, breaking through my enemy lines to stop surviving, to start to breathe. I deceived myself too long. I didn't trust my fortune, my mistake. Don't give up. Keep up your prayers. Still so much is left to sin. Unspoken. Only faith can make you see. Embrace your faith and lighten your path. Stop wasting names on things you just don't care about. Embrace your faith. Heart to heart. Voilà, donc grande surprise. Franchement, l'album, il vaut vraiment le détour. Secret Sphere, l'album s'appelle The Nature of Time. Le titre qu'on vient de s'écouter, c'est Fate. Donc, il faut garder la foi. Voilà. Et donc, franchement, un superbe titre et l'album il est magnifique. Le prochain qu'on va s'écouter c'est Place Vendôme, l'album on vous le présente plus, il s'appelle Close to the Sun et on va s'écouter Across the Time, donc de Place Vendôme, et on se retrouve tout de suite après les amis pour continuer la programmation musicale de RQC 95 FM, voilà dans Rive d'Enfer. Il est pas mal du tout le nouveau Place Vendôme, hein, Across the Time. Voilà, voilà, voilà. Le prochain qu'on va s'écouter, c'est Broken Head, Chronophobia, l'extrait de l'album A Prompt and Utter Destruction. C'est maintenant, c'est tout de suite sur RQC 95 FM. Ça déboîte pas mal. Là, juste à l'instant, c'était Broken Head avec Chronophobia. L'avant-dernier titre, c'est Diabolo Boruta avec Marzana. Et après, on se retrouvera pour vous dire un petit au revoir, les amis. Wieczorne chmury. вечно я мілося, давно є чалом п'єнтим одетані, я піхи з вами разом з його тоні. Voilà, donc j'étais juste à l'instant, c'était Diabolo Boruta. Et voilà, il est bientôt l'heure de se quitter, hein, il est l'heure de se quitter. Oui. Voilà, voilà, donc on se retrouve nous la semaine prochaine pour l'émission spéciale Hellfest. Exactement. On sera en compagnie du Slasher, on sera l'équipe au complète. Hein. Voilà, et on vous jouera des morceaux, enfin on ne jouera pas, vous jouez tous les groupes, hein. Il y en a 154, mais on vous jouera nos coups de cœur à nous, et après on viendra pour vous raconter un peu ce qui s'est passé au Elle. Voilà. Allez, Sylvain, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Voilà, en espérant qu'il fasse meilleur, un petit peu plus doux dans le studio, ça serait peut-être pas mal. Oh, bah, qu'est-ce qui fait chaud. Voilà. Allez, on se quitte avec Abomination, un groupe de Chicago, c'est pas celui de par chez nous, donc Abomination, avec le titre Reformation. Allez, ciao. Salut, salut. J'ai l'impression qu'il y a une musique intéressante. J'ai lu ça dans pas. Le. À moins qu'il soit fini. Ça marche pas. Mais si ça marche. Ah, il faut faire une pichenette. Ouais.